calme, on vit, on se ramène, on fuit. Oh oui, si on fuit, on s'arme, approche, ragazza. Viens sur la place, trahir la cosa, chez nous y'a pas ça. Mata, y'a des boules dans le classage, des boules en Y, à Sarai, on t'est mal, j'ai la classe. Hasa, tu vois pas, je suis pas ça. Des gros fils de qui savent changer de face, à qui passe. Toi, tu viens pour me dire, fais pas si fais pas ça. Laisse-moi sous le soleil, je vois plus le temps qui passe. Je vois plus le temps qui passe. J'ai le sang, j'ai la benne, ben passe à la casa. Oui, j'envoie du salto. Tu laissais mon garçon. J't'ai bien souriais, maintenant j'ai le regard sombre. Qui te ressemble, sera simple. Qui suis déboule, t'assure. T'as des millions de photos, y'a que ta mère qui se rassure. Minet, ça se fait la guerre, tu es gros minet. Si tu fais le vrai, si tu fais le vrai, sera jamais aussi pur que l'eau du robinet. Y'a des donneurs qui t'assiedent. Par pas si ça t'assied. Y'a des loups dans la cachette. Ils attendent qu'elle sorte l'assiette. Y'a des mecs comme ça, pas bien faut qu'on le sache. C'est le béton ça, toujours faudra bien qu'on le sache. Y'a des mecs comme ça, pas bien faut qu'on le sache. C'est le béton ça, toujours faudra bien qu'on le sache. J'vide mon sac, j'vide mon sac, j'vide mon sac, j'vide mon sac, yeah. Regarde la mise, elle est beurre. Rien qu'elle marcelle, elle me dure. Vas-y, ferme ta gueule, roule l'air. Parle pas bébé, laisse faire. J'ai trop laissé passer. J'peux plus me laisser faire. La trahison rock, tu seras trahi par ton meilleur photo ou ta puce, laisse faire. Je représente la galère avec Smith et Wilson. Ne lui faites pas du mal, lui laissez-le, il est seul. Ne lui faites pas du mal, lui laissez-le, il est seul. Nantol, il s'affole comment le sang, il est sale. Bagage, relève si on me donne personne. Recette, soleil, les lunettes, personne. C'est ce que d'or, je me pense que c'est une clé seule. J'fais gaffe, dans demain, j'peux finir à faire seul. Ok, no stress, espèce de fils de en voie de disparition. Vas-y, mais repeat. Je répète que ça laissera l'addition. Y'a des mecs comme ça, pas bien faut qu'on le sache. C'est le béton ça, toujours faudra bien qu'on le sache. Y'a des mecs comme ça, pas bien faut qu'on le sache. C'est le béton ça, toujours faudra bien qu'on le sache. J'vide mon sac, j'vide mon sac.